Premier livre des Rois, chapitre 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baasa, pour lui dire, « Parce que je t'ai élevé de la poudre, et que je t'ai établi conducteur de mon peuple d'Israël, et que malgré cela tu as suivi le train de Jéroboam, et as fait pécher mon peuple d'Israël, pour m'irriter par leur péché. Voici, je m'en vais entièrement exterminer Baasa, et sa maison, et je mettrai ta maison au même état, que j'ai mis la maison de Jéroboam fils de Nébat. Celui de la race de Baasa qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui des siens qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront. Le reste des faits de Baasa, ce qu'il a fait, et sa valeur, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi Baasa s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Tirsa, et elle à son fils régna en sa place. La parole de l'Éternel fut aussi adressée par le moyen de Jéhu, fils de Hanani le prophète, contre Baasa, et contre sa maison, à cause de tout le mal qu'il avait fait devant l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains, pour lui dire qu'il en serait, comme de la maison de Jéroboam, même parce qu'il l'avait frappé. L'an 20 et 6e d'Asa roi de Juda, et la fils de Baasa commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans à Tirsa. Et Zimri son serviteur, capitaine de la moitié des chariots, fit une conspiration contre Ella, lorsqu'il était à Tirsa buvant, et s'enivrant dans la maison d'Artsa son maître d'hôtel, à Tirsa. Zimri donc vint, et le frappa, et le tua l'an 20 et 7e d'Asa roi de Juda, et régna en sa place. Et comme il entrait en son règne, sitôt qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baasa, il n'en laissa rien depuis l'homme jusqu'à un chien, il ne lui laissa ni parents, ni amis. Ainsi Zimri extermina toute la maison de Baasa, selon la parole que l'Éternel avait proférée contre Baasa, par le moyen de Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés de Baasa, et des péchés d'Ela son fils, par lesquels ils avaient péché, et avaient fait pécher Israël, irritant l'Éternel le Dieu d'Israël par leur vanité. Le reste des faits d'Ela, et même tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? La 27e année d'Asa roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsa, or le peuple était campé contre Gibbeton qui était aux Philistins. Et le peuple qui était là campé, entendit qu'on disait, Zimri a fait une conspiration, et il a même tué le roi, c'est pourquoi en ce même jour tout Israël, établit dans le camp pour roi Onri, capitaine de l'armée d'Israël. Et Onri et tout Israël montèrent de devant Gibbeton, et assiégèrent Tirsa. Mais dès que Zimri vit que la ville était prise, il entra au palais de la maison royale, et brûla sur soi la maison royale, et il mourut, à cause des péchés par lesquels il avait péché, faisant ce qui déplaît à l'Éternel, en suivant le train de Jéroboam, et son péché, qu'il avait fait pour faire pécher Israël. Le reste des faits de Zimri, et la conspiration qu'il fit, toutes ces choses ne sont-elles pas écrites au livre des chroniques des rois d'Israël? Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties, la moitié du peuple suivait Tibni fils de Ginath, pour le faire roi, et l'autre moitié suivait Onri. Mais le peuple qui suivait Onri, fut plus fort que le peuple qui suivait Tibni fils de Ginath, et Tibni mourut, et Onri régna. La 31e année d'Asa roi de Juda, Onri commença à régner sur Israël, et il régna 12 ans, il régna 6 ans à Tirsa. Puis il acheta de Sémé la montagne de Samarie, 2 talents d'argent, et il bâtit une ville sur cette montagne, et il nomma la ville qu'il bâtit, du nom de Sémé, seigneur de la montagne de Samarie. Et Onri fit ce qui déplaît à l'Éternel, il fit même pis que tous ceux qui avaient été avant lui. Car il suivit tout le train de Jéroboam fils de Nébat, et son péché, par lequel il avait fait pécher Israël, afin qu'ils irritassent l'Éternel, le Dieu d'Israël par leur vanité. Le reste des faits d'Onri, tout ce qu'il a fait, et les exploits qu'il fit, ne sont-ils pas écrits au livre des chroniques des rois d'Israël? Ainsi Onri s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Samarie, et Achab son fils régna en sa place. Achab fils d'Onri commença à régner sur Israël, la 38e année d'Asa roi de Juda, et Achab fils d'Onri régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Achab fils d'Onri fit ce qui déplaît à l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva que, comme si celui eût été peu de chose de marcher dans les péchés de Jéroboam fils de Nébat, il prit pour famille Zobel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, puis il alla, et servit Baal, et se prosterna devant lui. Et il dressa un autel à Baal, en la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et Achab fit un bocage, de sorte qu'Achab fit encore pis que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel le Dieu d'Israël. En son temps, Yael de Bethel bâtit Jéricho, laquelle il fonda sur Abiram son premier-né, et posa ses portes sur ses gupsons pinés, selon la parole que l'Éternel avait proférée par le moyen de Josué, fils de Nun.